recevons Patricia et Audrey, deux fraises du désert. Voilà, bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Josie. Bonjour ma Claudie, bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, avant de commencer, je vais vous dire, on a un jeu, hein, c'est pour gagner 4 repas au Break. Alors le Break, c'est un restaurant créole, ce qui se trouve au Ponté. Donc, c'est buffet, vous pouvez gagner buffet créole à volonté, plat et dessert à la carte. Donc, vous appelez au 04 90 40 16 90, 04 90 40 16 90, pendant les pauses, si ce serait bien. Voilà, c'est un endroit sympa et vous y trouverez la chaleur des îles de la Martinique et la Guadeloupe. Voilà, bonjour mesdames. Donc, on s'était déjà rencontrés à la foire de Carpentras. Donc, on avait parlé de votre projet. Les fraises du désert, est-ce que c'est vous qui avez choisi le nom ou c'est l'organisateur? Non, c'est nous. En fait, chaque équipage choisit un nom qui lui correspond. Et voilà. Ça vous correspond en quoi? Les fraises, car nous sommes toutes les deux de Carpentras, et le désert, parce que c'est notre objectif final. Voilà, je crois que vous êtes toutes les deux au lycée Victor Hugo. Oui, c'est voilà. Ça. Les deux. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que, le déclencheur qui vous a donné, ce qui vous a donné envie de faire ce rallye? Mais pour ma part, c'est Audrey. Et pour Audrey? Et moi, c'est une amie qui habite au Québec, qui a fait ce rallye l'année dernière avec une coéquipière qui est de Villeneuve-les-Avignon, donc là où est l'organisation Mayenga qui organise ce rallye. Elle m'en a beaucoup parlé, je l'ai suivie et j'ai eu envie de faire la même chose. Voilà, est-ce que vous êtes sportive toutes les deux? Mais bien sûr. Vous avez l'air très convaincue. Tous les jours. Non, est-ce qu'il faut être sportive pour faire ça? Oui, il faut avoir un peu un esprit d'aventure. Oui, d'aventure, un peu de folie aussi. D'aventure, oui. De folie, un petit, bon, quand même une condition physique convenable, mais bon, pas, on n'a pas besoin pas d'être des championnes, bien non. Sûr. Enfin, j'allais dire, n'importe qui peut le faire. Non, pas n'importe qui, mais c'est si à la portée. Si on a les finances, oui. Oui. Si, c'est à la portée de tout le monde. N'importe qui, il faut être une femme. Oui. Voilà, ça c'est la première des conditions. Féminin. Voilà. 100%, ouais. Et avoir plus de 18 ans et le permis de conduire et l'envie de le faire. Et avoir une coéquipière, je pense. Tout à fait, oui. Avec qui on s'entend bien. Oui, parfois on a déjà vu des équipages qui se retrouvaient d'un seul coup abandonnés, donc toutes seules, et on peut trouver une deuxième coéquipière par le biais de l'organisation. Et cette coéquipière qui a laissé tomber l'autre, c'était au cours du rallye ou de la préparation. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est quand même décourageant. Ça peut arriver. Ouais. Ouais, mais donc ils vous trouvent quelqu'un. Essayent de mettre en contact des équipages solo pour que ça devienne des équipages duo. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même se connaître, je pense. C'est mieux. Oui, c'est quand même plus facile. Ouais. Voilà, et cette préparation, vous la faites depuis quand? Depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin. 2016. Pour quelque chose, un départ, quelle date? 4 octobre 2017. 4 octobre 2017, ça à 13h. À 13h. À 13h. Et vous démarrez. On vous attend. Vous démarrez d'où dans une question? Villeneuve-les-Avignon. Ouais, c'est là où il y a l'organisation. C'est hein, ça, la place du marché, Villeneuve-les-Avignon. Oui. Et après, vous allez donc au Maroc, par quel biais? Par la route. Par la route, mais jusqu'où? Après, il y a quand même un peu la mer. Ben en fait, on part le 4 octobre à 13h, 13h30, et on descend tout ensemble jusqu'au sud de l'Espagne. Donc on passe une nuit près de Valence, et ensuite on prend le bateau 2 jours après le départ. C'est toujours un mercredi, et on prend le bateau le vendredi matin. On va faire une petite pause et après on va continuer. C'est très intéressant. À tout à l'heure. To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Don't FM 89.9 avec Audrey et Patricia, nos fraises du désert qui partent. Donc, on était en direction de l'Espagne ce fameux 4 octobre à 13h. Vous dormez, je crois, une nuit, vous continuez et vous allez prendre le bateau en direction du Maroc. On dort une nuit vers Valence à peu près, un petit peu avant Valence, et on continue donc la route le lendemain. La deuxième nuit, on la passe près de Tarifa pour pouvoir prendre le bateau dès le vendredi matin, très très tôt. Donc, la course, quand elle commence, vraiment la vraie course, c'est à quelle date ? La date, on ne la connaît pas exactement, mais je pense que c'est le 6. Le 6. Ouais, le 6 quand on arrive. Et juste une petite question, je crois que c'est une course, mais ce n'est pas une course, c'est un raid. C'est un raid, la différence c'est qu'il n'y a pas de notion de vitesse. En fait, vous êtes quand même dans l'entraide, dans le partenariat, avec des étapes. C'est ça. Donc, normalement, il devrait y avoir 6 étapes. Et ces étapes, en fait, il n'y a pas de notion de vitesse, c'est une notion de distance. La distance prévue par l'organisation, et c'est une distance qu'on doit essayer de respecter de façon la plus proche possible. Voilà. Et vous êtes censé arriver quand ? Le final ? Oui. Le 14 octobre a lieu la remise des prix à Marrakech. Donc 10 jours. C'est ça. 10 jours, oui. D'accord. Et c'est au mois d'octobre, donc quel temps y a-t-il au Maroc au mois d'octobre ? Il semblerait que la chaleur soit encore au rendez-vous. Oui, mais en fait, ça doit être plutôt tolérable, oui. Je suppose. Hein. On espère. Apparemment, il fait chaud quand même, d'après ce qu'on voit sur les photos et d'après ce qu'on nous dit, il fait chaud encore. D'accord. Et donc, vous arrivez au Maroc ? Donc, on arrive à Tarifa. Voilà. Vous prenez le bateau et quand vous êtes à Tanger. Et de l'autre côté, quand vous arrivez, combien y a-t-il d'équipages qui vont concourir avec vous ? 70 équipages avec deux filles, 100% féminin. Il y a une dizaine d'équipages sur ces 70 qui le font soit en quad ou en SSV. Alors, on va savoir tout à l'heure pourquoi on vous y allait, parce qu'on nous fait signe. Une petite pub. Bon, une petite pause. À tout à l'heure. Nous voilà revenus sur Fly FM 89.9 avec Patricia et Audrey. Donc, vous avez démarré. On est à Tanger. On est au Maroc. Et expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de faire ce rallye. Dans quel but ? Qui c'est qui se lâche ? Dans quel but ? Le but, déjà, c'est un défi personnel, parce que c'est vrai que c'est une vraie aventure, même avant de partir, on s'en rend compte depuis le mois de juin, puisqu'on vous a dit qu'on a créé l'association au mois de juin, et c'est de se prouver qu'on est capable de se surpasser, de faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Ah, ça, ça va vous sortir de votre zone de confort. C'est certain. Et je pense que vous allez en revenir. On en est sorti déjà, zone de confort. Et donc, ce rallye, c'est dans quel but ? C'est pour amener, je crois, des matériels à des enfants, à des écoles, à des gens qui en ont besoin. Alors, c'est un rallye solidaire. Et quand on dit solidaire, il y a deux parties dans cette solidarité. C'est en France, on va ramasser du matériel de puériculture qu'on va remettre au Resto Bébé du Cœur à Villeneuve-les-Avignon le jour du départ. Ça, c'est pour la France. Et on va ramener également dans nos 4x4, cette fois, tout ce qu'on peut mettre en matériel scolaire, en jouets, en matériel ordinateur, de soins, oui, voilà, en ordinateur, qu'on va remettre nous-mêmes dans une école. Et une école qui va être choisie par l'organisation durant la préparation au mois de juin. Et cette école, elle va être refaite par l'organisation. Et nous, tous les 70 équipages, on va la repeindre également. Ah d'accord, là, quand vous serez là-bas, vous allez la repeindre. Quand on sera là-bas. Ouais. D'accord. Et En une demi-journée, il va y avoir 140 femmes qui vont débarquer. Oh là là, vous allez vous battre un coup de rouleau. Pinceau, peinture, et elle va être refaite extérieur, intérieur, plantation, etc. C'est sympa ça, oui. Voilà. Et qui c'est qui vous donne tout ce matériel ? Comment vous les avez récupérés, ces ordinateurs ? C'est à nous de le récolter, donc on compte sur vos auditeurs pour nous aider également. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et si les gens sont intéressés à vous donner du matériel, d'abord, pouvez-vous nous dire de quoi vous avez besoin ? Alors, à emporter dans nos 4x4, donc, tout ce qui est informatique, donc imprimante, ordinateur, écran, des produits d'hygiène, donc vraiment absolument tout, shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents, tout ça. Des jouets pour tout type d'âge. et du matériel scolaire. Alors, pas des manuels scolaires, parce que les programmes n'étant pas les mêmes, ça sert des à rien. Mais ça peut être des cahiers, des livres, par contre, des livres de lecture, des feutres, des... Voilà, des... Et vous avez tous à peu près la même liste dans ces 70 équipages? Oui, oui, on a la même liste. Et où c'est qu'il faut vous les amener tous les dons peuvent être déposés à l'accueil du lycée Victor Hugo. Et on aura un lieu de stockage et on gardera tout ça jusqu'au départ. Par exemple, moi je veux y aller, je viens comme ça? Vous sonnez et puis le personnel d'accueil sera prévenu et prendra vos dons. En ce qui concerne les livres, c'est tout âge? C'est oui, pas oui, c'est tout âge. Maternel, niveau bébé, maternel et adulte. D'accord. Oui, même adulte. Je crois qu'on fait une petite pause et après on parlera de vos véhicules, qu'est-ce que vous avez comme véhicule, comment vous les avez sponsorisés, tout ça. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Que je pense à ta bouche brûlante quand tu souris. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Fly FM. Bonjour sur Fly FM avec notre équipage, les Fraises du Désert, qui partent le 4 octobre. Bon, on parle de, du matériel. Oui, on est parti sur le trajet, on est parti sur ce que vous avez besoin, mais on n'est pas parti sur votre véhicule. Vous allez rouler avec quoi? Une Dodge? Ça existe, mais pas nous. C'est pas les 4L, non, c'est pas les 4L. On va partir en 4x4 et c'est un 4x4 qu'on va louer. Pour l'instant, on n'a pas encore pris contact. On va y aller bientôt. Là. Oui. On va essayer d'aller voir un loueur qui est spécialisé pour ce genre de rallye, qui est à la Seyne-sur-Mer. Il faut aller à Seyne-sur-Mer. Vous n'avez pas trouvé dans le... L'organisation nous en propose deux autres, mais qui sont beaucoup plus loin. Albertville, je crois. Albertville étant le plus près, et puis je crois la Normandie le deuxième. Donc ces commerçants, ça ne les intéresse pas de vous le prêter gracieusement? Enfin, je dis mais ça, si, j'en sais rien. S'il y a des commerçants qui veulent nous le prêter, il n'y a oui, pas de vous soucis. Dites pas non. On aimerait bien trouver un garage qui voilà, nous ça prête, peut leur faire de la pub. Mais bien voilà. Sûr. Ouais. Bon, on lance le message. Voilà, le message. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien ça revient, ce raid, pour l'organiser, le finaliser? Alors, le budget complet est de 14 000 euros. Oui, c'est quand même une somme. Hein. C'est quand même une belle somme. Et bon, comme on s'est inscrite suffisamment tôt, on a une réduction de 1 000 euros. Donc, en fait, finalement, notre budget est de 13 000, mais quand même, on a 13 000 euros à trouver. Tout l'inscription est payante, bien sûr. Bien sûr, l'inscription est payante parce qu'il y a toute une organisation derrière nous. Bien et sûr, qui vous chapeaute. Qui nous organise, qui nous surveille, qui nous chapeaute. voilà. Oui, oui. Alors, vous avez bien sûr. Vous avez fait des manifestations, dont une qui a bien marché, je crois, et vous avez d'autres en projet, justement, pour financer ce parcours. Oui, on doit faire encore pour la Chandeleur au lycée des crêpes. Ouais, puis on va vendre aussi nos objets qu'on a créés. On va essayer de faire aussi une animation crêpe devant un magasin. Assez connu, assez connu, du monde, voilà, qui passe certainement vers Avignon, le Pontet, ou voilà. Et on va également organiser une tombola. Ah, c'est bien. Et vous avez à peu près encore les dates? La tombola, on est en train de la préparer et on pense faire le tirage à la fête de la fraise à Carpentras. D'accord. Qui aura lieu, si je ne me trompe pas dans la date, le 9 avril. Ah, c'est si. Le tirage sera fait le dimanche 9 avril, à la fin de la fête de la fraise. À la fin de la fête de la fraise. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des formations pour conduire et pour vous mettre en forme? Ça ne va pas tarder. Mécanique aussi, oui. Mécanique, on va suivre des cours avec les élèves du CFA Victor Hugo de Carpentras. Ah, mais ça va vous rajeunir. Oui, ça va être sympathique. Et puis les profs nous attendent de pied ferme. D'accord, il ne faut pas que vous plantiez là. Réussite. Adieu, vous pourrez voir des photos sur notre page Facebook, puisqu'on la tient un jour... pas quotidiennement, mais pas loin de tout ce qu'on fait, et voilà. Donc, voilà. Moi, je voulais vous dire, quand vous avez une manifestation, ben, vous nous la faites parvenir, comme ça, on en parle. Ok, hein, voilà. Pas de souci, merci. Voilà. Et la forme, qu'est-ce que vous faites pour être en forme? On se motive. Un peu de jogging. Tout à fait, mais oui. Ben oui, vous avez raison. Hein. Et quand vous êtes là-bas dans le désert, c'est pas vous qui réparez votre voiture si elle tombe. J'allais poser cette question. Si. Ah, et oui, si vous avez vraiment une panne, changement de roue, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est moteur, c'est sûr que là, on va avoir des soucis. Mais on a ce qu'il faut, justement. Mais vous avez pris des cours? Il y a des mécanos qui sont là pour nous. Hein. Ah, nous, voilà. on va prendre les cours de base pour changer des filtres. Oui, effectivement, changer le petit matériel. Voilà. Parce que bon, comme je dis souvent, pour ma part, mon défi technique le plus important, c'était de changer de la roue de mon vélo. Donc on part quand même de très loin. C'est pareil, on est tout pareil. Mais si on a un vrai souci technique pendant la journée, qu'on n'arrive pas à résoudre, on fait appel aux mécanos et dans ce cas-là, on a une pénalité. Ouais, on perd des points. Et pour les escales, vous avez des escales, je pense, pour manger et pour dormir. Alors, tout ça, c'est prévu par l'organisation. D'accord. Écoutez, on va faire une petite pause et après, on va parler de l'organisation, des repas, voilà, du train-train. Vous ne savez pas, c'est un... On sait un petit peu. Ah bon, ça va, on en parlera tout à l'heure. Fly FM. Le meilleur des hits. Je peux tarte. Tu me dis qu'est-ce que tu fous, non, mais regarde. J'ai une gueule de truand, toi de clochard. Malgré toutes nos embrouilles, à chaque fois qu'on se clash, on se garde. On se scalpe, on se crache dessus de sang froid. On se palpe, mais on va se coucher chacun pour soi. Avec l'émission Bric-à-Bracaïdé et Patricia et Audrey qui préparent le raid des... Comment ça s'appelle ? Cap Féminin. Cap Féminin, oui, c'est leur nom. Et vous, vous êtes les Fraises du Désert, équipage 226. Tout à voilà. Fait, c'est ça. Et quand vous êtes là-bas, donc, comment s'organisent les repas pour l'hygiène, pour la sécurité ? Au cas où est-ce que Patricia ne voudrait pas un peu parler ? Ah, si elle est ravie. Oui, Patricia, lâche. Oui, peur. Oui, non, j'ai pas peur. Mais comment ça s'organise? Ben, le midi, on se débrouille un peu comme entre nous, parce qu'on est sur le parcours. Mais le soir, on a des... quand même. Ah, donc oui, je parle pas dans le micro. Et voilà. Le soir, ben, on a quand même où on va à l'hôtel, ou aussi on aura peut-être un bivouac. Et niveau sécurité, je crois que vous êtes bien encadré. Oui, tout à fait, ouais. Ça, oui. Ça, c'était important pour moi personnellement, mais c'est vrai qu'on est très bien encadré. Oui, vous aviez dit qu'il y avait, je crois, un organisateur pour chaque équipage. Quasiment, parce qu'il y en a, il y a une soixantaine d'organisateurs. On devrait être 70 équipages, donc il n'y aura pas tout à fait un pour un, mais... Vous mais avez... si on ne les voit pas, eux nous voient, ils nous surveillent, ils nous... Voilà. Il y a des organisateurs qui vous surveillent, des mécaniciens qui arrivent là vraiment au cas où il y aurait un problème. Je pense à des cuisiniers le soir. Oui, on espère. Oui. Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers parce que... Il faut que vous cuisiniez en plus. Ouais. Si on dort dans des auberges ou des hôtels, sur le bivouac, organisé par eux, je suppose que oui, effectivement, d'ailleurs, avoir des cuisiniers. Et après, on a aussi deux nuits en autonomie. Oui. Ah, vous débrouillez. Donc là, voilà. Oui. Et avant que vous partiez, vous allez avoir des réunions quand même pour peut-être un peu briefer et tout. On suppose que oui. La dernière réunion à laquelle on a assisté, c'était au mois de novembre, là, il n'y a pas longtemps. Oui. Mais après, on ne sait pas. C'est la première fois, on ne sait pas. Voilà, c'est bien, hein, c'est l'aventure. Donc, je crois quand même, vous allez faire quand même 2500 km. Hein. C'est ça, 2500 km là-bas et à peu près autant pour aller et revenir. En 8 étapes. Voilà. Et c'est vous ça. Allez prendre des cours de conduite ? Oui, je crois que vous. On va essayer de prendre. Voilà, c'est plus pour Patricia parce que moi. Oui. Une formation. Moi, je vais être copilote, mais. Ouais. Ah oui, d'accord. Je voulais suivre une formation aussi bien de, pour moi, de décryptage du roadbook, parce que c'est pas le jour même qu'il va falloir apprendre. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas évident de lire une carte. Parce oui. que je compte sur elle quand même. Ouais. Moi aussi, je compte sur elle pour éviter de pelleter dans les dunes. Mais ça c'est pas gagné. Je crois que vous allez bien vous amuser. Oui, ah, oui, on s'amuse déjà beaucoup depuis. Ouais. Ça vous unit, ça vous... Oui, ouais, oui, voilà. Oui. On a la même folie, je pense, aussi. Et je crois que vous avez assisté à déjà un départ de ce rallye l'année dernière. C'était l'année dernière. Mmh. Le 5, c'était le 5 octobre 2016. Mmh. C'est toutes les années, alors, donc. Tout à fait, oui. C'est la 7e année. Oui, on est à la 7e édition. À la 7e édition. Et je crois que vous avez ressenti une émotion. Beaucoup, oui. Mmh. Ah oui. Ah ouais. Toutes et d'ailleurs, on était prêtes à partir. Ah, oui. S'il y avait une petite place encore dans les 4x4, on serait parti avec. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes en relation avec des journaux, des radios pour faire le compte rendu au jour le jour de ce rallye ? Alors, au niveau de Carpentras, on est en contact avec Vaucluse Matin et La Provence, qui a déjà fait un certain nombre d'articles sur nous. Je crois qu'on en est à... Oui, je crois que j'en ai. Et on les remercie, d'ailleurs. On les remercie beaucoup, parce qu'ils sont là. Dès qu'on fait une manifestation, ils sont présents. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous aider, où c'est qu'on peut vous contacter ? Alors, on peut nous contacter via notre page Facebook, qui s'appelle Les Frères du Désert, équipage 226. Vous pouvez nous suivre sur cette page-là. Nous avons également une adresse mail. C'est fraises au pluriel du désert 226@gmail.com. Oui, très bien. Donc, nous allons faire une petite pause. Juste un truc que je voulais signaler, qu'apparemment, vous êtes aussi couvert par la télé. Alors ça, c'est pas nous directement, mais c'est l'organisation qui a un certain nombre de partenaires nationaux, voire internationaux, puisque le rallye est également fait par quelques équipages du Québec. Bon, donc on passe dans la presse. On va faire une pause, et quand on finira l'émission, vous nous redonnerez votre adresse, et votre adresse mail, et votre numéro de téléphone, enfin tous les renseignements. Soucis. Allez, à tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Reaching out, I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Nobody by my side. We'll be right back. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées et Patricia et Audrey, les fraises du désert. Et je crois que Josie va nous parler de films. Non, de deux, mais bon, de deux films. J'ai choisi deux films. Un qui s'appelle Primaire, qui ça va parler à nos invités qui sont là. Et La Vallée des Loups. Alors, on va commencer peut-être par Primaire. C'est l'histoire de. C'est un film qui dure 1h46 de Hélène Angèle avec Sarah Forestier et Vincent Elbaz. Et c'est une professeure des écoles qui a une trentaine d'années. Et quand elle rencontre. Donc elle va à l'école, elle a un petit élève qui s'appelle Sacha, un enfant en difficulté. En plus, elle a son fils qui est dans sa classe, qui s'appelle Denis, et qui ne veut plus rester avec elle, mais qui veut quitter pour aller voir son papa. Et donc cette année-là, elle va vivre une année charrière qui. Qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et vous êtes en train de. Ils sont tous en train de faire des photos. Et ça l'a déstabilisé, la pauvre. Donc elle va vivre une année charnière. Avec, bon, dans ce film, il y a une fin déconcertante. On montre comment ça se passe au quotidien avec les professeurs des écoles. C'est pas un reportage, c'est un film. Les élèves ont été filmés au naturel à des moments où ils ont joué. C'est un film tendre, généreux et porteur d'espoir. Et cette réalisatrice qui s'appelle Hélène Angèle a pendant 2 ans promené un peu dans les classes pour comprendre ce métier. C'est pas un documentaire. Non, c'est un film. C'est moitié-moitié. C'est un film et c'est l'histoire de Florence qui est une professeure des écoles qui a 30 ans. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'elle est passionnée, cette dame. Voilà, elle est passionnée. Donc, elle laisse un peu sa vie privée de côté. Hein, voilà, et justement, elle laisse un peu trop sa vie privée parce qu'elle a son fils dans sa classe et son petit est en train de se dire qu'il préférait peut-être aller vivre avec son papa. D'accord, ok. Est-ce que tu nous dis l'autre ou je te dis un livre? Parle-nous de ton livre. Voilà, donc comme il n'y a pas Alain, il va revenir la semaine prochaine, je vais vous parler de La Liste Interdite. C'est un livre qui est sorti en 2009, mais moi ça ne me dérange pas. Hein. C'est d'Olivier Descosse. Alors, deux morts inexpliquées. Bien sûr, c'est un thriller, hein. Premièrement, un homme carbonisé retrouvé sur une route de campagne au volant de sa voiture. Et deuxièmement, un colosse réduit en bouillie après avoir chuté du haut d'une tour dans le quartier chinois de Paris. Michel Diallo est un policier d'origine congolaise coincé au fond du Perche. Alors, il s'ennuie un peu, hein. Donc, il est ravi de se lancer sur cette première affaire. Aidé du commissaire Christian Mayol, policier hors pair et bouddhiste convaincu, ça c'est l'autre histoire, la juge parisienne Claire Brisac hérite de la seconde affaire. Sans rapport apparent, les deux enquêtes vont explorer le passé des victimes. Ben, c'est comme souvent, hein, quand il y a une enquête, tu découvres plein de choses qui sont extraordinaires alors que tu pensais que les gens étaient ordinaires. Donc c'est des parcours peu communs, allant de l'univers des junkies à celui des triades chinoises. Du monde feutré de la grande bourgeoisie au monde violent des hooligans. Peu à peu, les liens se tissent, les deux affaires convergent, et si c'est mort, dissimuler d'autres enjeux. Voilà. Confrontée à ses doutes personnels et professionnels, la juge verra ses certitudes voler en éclats. Alors, le livre fait 500 pages, mais on s'ennuie pas du tout. Voilà, tu as envie de savoir ce qui va se passer. Donc, moi, j'ai adoré, comme toujours, j'adore les thrillers. Oui, avec ton livre l'autre fois aussi, m'a bien parlé. Pour les griller. Ouais. Je te les noterai. Ah oui. Allez. Et on va continuer. Je crois qu'on va faire une pause. Eh bien oui, ce Gilles. Oui, oh là là, il est sévère avec nous. Fly FM. Fly FM. Au cœur des années 2000. Sa mère au fond de son verre, et ça, quelle que soit l'heure, j'ai vu tellement de feux éteints dans les yeux de Sarah et la peur des lendemains, bien cachée dans sa voix. Alors, pourquoi moi? On peut la voir sourire parfois. Que son père dort, il était bien trop triste et bien trop fort. Mais depuis qu'il est mort, Sarah sait qu'il existe. Sous les cerisiers blancs, l'espoir d'un rêve égoïste de vivre seulement. Alors, pourquoi? sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac Aïdé et Patricia et Audrey. Et je crois que tu veux nous parler de ton second film. Ah oui, alors on passe des enfants à des loups. Oh, c'est pareil. Alors là, par contre, on part sur un documentaire. Un documentaire, c'est Jean-Michel Bertrand qui a fait ça et il s'est mis à la quête de la recherche du loup. Et il est allé, c'est un film qui a reçu quand même le prix du jury jeune au Festival de Sarlat 2016. Et il est allé tourner ça dans le massif des Écrins, dans les Hautes-Alpes, où il a passé trois années à bivouaquer en pleine nature avec un hiver des skis, parce que les chevaux, malheureusement, ils ne pouvaient pas aller dans la neige, et des peaux de phoque, et avec tous les dangers qu'il y a, c'est-à-dire les chutes de pierres, les avalanches. Il a mis des caméras automatiques qui se déclenchaient au moindre mouvement. Et donc, il a observé cette histoire. Il a vu d'autres animaux que les loups. Je ne sais pas s'il en a vu beaucoup, mais bon, il a... Et donc, c'est une immersion, un parcours intéressant où on voit de belles photos, la nature au quotidien, ce magnifique. Qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'observe peut-être pas assez. Voilà, je voulais en parler. C'est une histoire d'amour. Voilà, écoute, pour aller dans ton sens, le samedi 14 janvier, donc ce samedi, c'est la journée sans fourrure. En Avignon, moi, je pense que franchement, je vois pas pourquoi on va se mettre des fourrures. Surtout que quand vous avez des fourrures artificielles, des fois, elles ressemblent vraiment à de la vraie. Et puis, on n'est pas dans des pays où, bon, avant, je veux dire, quand c'était l'homme de Cro-Magnon, je comprends qu'il tuait des animaux pour mettre de la fourrure. Surtout que, je sais certaines choses là-dessus. Oh ben oui, bon, on le sait. Malheureusement. Ouais. Alors, c'est un stand qui est tenu par des bénévoles d'ADEO Animalis. C'est une association qui est de protection animale. Qui intervient sur beaucoup de choses. Voilà, et en plus, qui fait aussi de l'adoption. Hein. Et L214, alors ça, je ne sais pas ce que c'est L214. Voilà, et ils se permettront d'interpeller les passants. Donc, c'est à Avignon, de 10h à 18h, rue de la République. Voilà, cette journée, c'est une journée d'action annuelle. C'est toujours le premier samedi des soldes d'hiver. Toujours. D'accord. Voilà. D'accord. Je crois qu'après, il y a autre chose. En dehors de... Là, c'est plus gai, c'est les chevaux. Ah oui, c'est le cheval passion. Et Claudie, je crois que tu voulais en parler. Moi aussi, je voulais en parler. Tu veux en parler? Non, non, tu veux que... Tu viens à ma rescousse si tu veux. Voilà, c'est quelque chose qui se passe du 18 au 22. Vas-y. Voilà, c'est du 18 au 22 janvier, de 9h à 19h tous les jours. Donc, c'est la 32e édition, placée sous le signe de la Camargue. Il y a plus de 1200 chevaux. 90 heures de spectacle avec Poney Passion. Avec le gala des crinières d'or. 5 représentations. Bien sûr. Alors, en janvier, Avignon, bien sûr, comme toutes les années, devient la capitale du cheval avec son festival équestre. Il y a quand même 250 exposants, toujours fidèles, qui proposent tout ce qui a trait à l'art équestre. Matériel, sellerie, nourriture, soins, confort, vêtements. Cheval Passion a déjà relevé dans le passé de nombreux défis. Hein. Journée pédagogique, concours de spectacle, master du cheval ibérique, marché international du spectacle équestre. Je crois que c'est quand même... une manifestation qui est quand même connue dans le monde entier. Le point d'orgue, donc, comme tu l'as dit, c'est le gala des crinières d'or. Avec les tarifs, c'est de 26 à 46 euros et on peut réserver. Vas-y. Au 08 92 05 30 05. Ou alors à la FNAC, à Carrefour et voilà, moi, Cité de Marque. Et j'ai un autre téléphone aussi. Oui? 04 90 84 02 84. Et il y a un site qui s'appelle www.paramobilité.fr. C'est pour rechercher les itinéraires pour y aller, les horaires et les correspondances de train, bus, tout ça. Ou alors il y a cheval-passion-minuscule.com aussi. Donc je pense si on va voir les renseignements. C'est quand même une manifestation. C'est pour ça qu'on en a parlé un peu à l'avance. Parce que, bon, par contre, le gala des crinières d'or, c'est le 19, le 20 janvier à 21h. Ouais. Et le samedi, il y en a un à 15h et 21h, dimanche 22 à 15h. C'est très bien. On a tout dit là, je crois. On a tout dit. Voilà, moi, si vous aimez les chevaux, allez-y. Ah oui, je pense que ça doit être super, une ambiance. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de centres équestres par ici quand même, hein, et beaucoup de gens que ça intéresse. On le dira plus tard, mais je crois qu'on va rencontrer un monsieur, puis tu vas nous présenter un monsieur qui fait quelque chose de particulier avec ses chevaux. Voilà, oui, on parlera, je crois que ça sera courant fin février, ou quand le cheval passion sera passé, parce qu'il est très occupé. Donc on va faire une petite pause et on reprendra tout à l'heure. Fly FM. Ici, les hits bonifient avec le temps. Je suis resté quelques heures à regarder dehors. Regardez, la pluie tombée sur mes peurs et tombée sur mon corps. Je suis resté le tour de mon nid, chasser mes démons. Remonter sur sur le fil ouest. Seul avec mon bâton, j'ai laissé ma dérive guider quelques instants. J'ai regardé les deux rives, j'ai regardé devant. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. Et même si c'est instable, je suis bien sur le fil. Je sens le vent entre mes doigts. Je suis à l'équilibre. La fin dans ce couloir immense qui mène à mon chemin. Au loin derrière la ville, là devant l'horizon, remonte sur mon fil enfant, seul avec mon bâton. Je suis resté tout là-haut pour écouter le vent. J'ai laissé mon bateau guider quelques instants. Entre mes doigts, je suis à l'équilibre. Je reperdrai le temps. Quitte à tout perdre, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout perdre. Quitte à tout perdre, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout. Je suis à l'équilibre. Oh, tap tap tada. C'est parti. Claudie, oui. Je crois que tu veux nous parler de quelqu'un que tu connais. Voilà, et que tu connais aussi, c'est Martine Bataille, qui est une conteuse vraiment au pair. Et avec sa copine Jeanne Harrington, ces deux conteuses anglo-normandes, elle nous convie à Pernes, à la médiathèque. Donc c'est toujours, c'est le samedi 14 janvier toujours. Je crois que c'est pas la nuit de la médiathèque ou de la bibliothèque. Là, il y a un truc particulier. En tout cas, c'est à 20h30. Donc c'est ça s'appelle Parole à boire. Il faut venir déguster sans modération des contes poétiques, facétieux, philosophiques, merveilleux, menus adaptés à chaque saison, chaque événement. Voilà, pour plus de renseignements, vous téléphonez au 04 90 61 53 30, vous prenez contact avec la médiathèque. Et si vous voulez contacter Martine, qui est vraiment une conteuse que j'ai vue en œuvre, elle vous emmène dans son monde, c'est merveilleux. Son mail, c'est Martine Bataille. En un mot, @numericable.com. D'accord, voilà. Claudie. Et c'est donc le 14 janvier à 20h30 à la médiathèque de Pernes. On fait une petite pause et on finira avec nos fraises du désert.